Préface, suite. Auteurs français qui ont écrit l'histoire depuis la Révolution, mémoires, traductions et publications, théâtre, romans historiques, poésie, écrivains fondateurs de notre nouvelle école historique. De l'examen des principes de l'école moderne historique considérée dans ces systèmes, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, je passe à l'examen des historiens de cette école parmi nous. Les écrivains français qui se sont occupés de l'histoire depuis la Révolution ont pris des routes opposées. Les uns sont restés fidèles aux traditions de l'ancienne école, les autres se sont attachés à l'école nouvelle descriptive et fataliste. M. Villemin, qui tient par le bon goût du style à l'ancienne école et par les idées à la nouvelle, nous a donné une histoire complète de Cromwell. Se cachant derrière les événements et les laissant parler, il a su, avec beaucoup d'art, les mettre à l'aise et dans la place convenable à leur plus grand effet. Un sujet d'un immense intérêt occupe maintenant l'auteur, à en juger par les fragments de la vie de Grégoire VII dont j'ai eu le bonheur d'entendre la lecture, le public peut espérer un des meilleurs ouvrages historiques qui ait paru depuis longtemps. Au surplus, je cite souvent les travaux de M. Villemin dans ses études, et pour ne point me répéter, j'abrège ici des éloges que l'on retrouvera ailleurs. Monsieur Daunoux appartenait à cette congrégation religieuse d'où sont sortis les Lecointe et les Lelon. Il n'a point démenti sa docte origine, c'est un des plus savants continuateurs de l'histoire littéraire de la France. Dans ses divers mémoires, on trouve à s'instruire, il faut être en garde contre ce qu'il dit des souverains pontifes lorsqu'il juge un pape du Xe siècle d'après les idées du XVIIIe. Monsieur Daunoux paraît peu favorable à la moderne école. Monsieur de Saint-Martin, qui suit aussi les vieilles traces, a jeté par sa connaissance de la langue arménienne une vive lumière sur l'histoire des Perses. Dans la théorie du pouvoir civil et religieux de Monsieur de Bonald, il y a eu du génie. Mais c'est une chose qui fait peine de reconnaître combien les idées de cette théorie sont déjà loin de nous. Avec quelle rapidité le temps nous entraîne. L'ouvrage de Monsieur de Bonald est comme ces pyramides, palais de la mort, qui ne servent aux navigateurs sur le Nil qu'à mesurer le chemin qu'il a fait avec les flots. Je ne sais comment classer M. Dulaure. Il fut connu avant, pendant et après la Révolution. Ses descriptions des curiosités et des environs de Paris, ses singularités historiques, son histoire critique de la noblesse, sont remplis de faits curieusement choisis. Toutefois, c'est de la satire historique et non de l'histoire. On peut toujours montrer l'envers d'une société. Il faut lire de M. Dulaure son supplément au crime de l'ancien comité du gouvernement imprimé en 1795. Maltebrun, dans sa géographie, a touché avec une grande sagacité et beaucoup d'instruction quelques origines barbares. Le travail de M. de Montlosier sur la féodalité est rempli d'idées neuves exprimées dans un style indépendant qui sent son Moyen-Âge. Si les anciens seigneurs des donjons avaient su faire avec une plume autre chose qu'une croix, ils auraient écrit comme cela, mais ils n'auraient pas vu si loin. M. Lacretel a tracé l'histoire de nos jours avec raison, clarté, énergie. Il a pris le noble parti de la vertu contre le crime. Il déteste de la Révolution tout ce qui n'est pas la liberté. Lui-même, acteur dans les scènes révolutionnaires, il a bravé dans les rues de Paris les mitraillades d'un pouvoir plus heureux que celui qui vient d'expirer. On trouve aujourd'hui beaucoup d'hommes qui savent écrire une cinquantaine de pages et quelquefois un tome, pas trop gros, d'une manière fort distinguée, mais des hommes capables de composer et de coordonner un ouvrage étendu, d'embrasser un système, de le soutenir avec art et intérêt pendant le cours de plusieurs volumes, il y en a très peu. Cela demande une force de judiciaire, une longueur d'haleine, une abondance de diction, une faculté d'application qui diminue tous les jours. La brochure et l'article du journal semblent être devenus la mesure et la borne de notre esprit. L'ouvrage de M. Lemontet sur Louis XIV présente le règne de ce prince sous un jour tout nouveau. Je crois cependant avoir fait à propos de cet ouvrage une observation nécessaire en parlant du règne du grand roi. M. Mazure a laissé une histoire écrite avec négligence, mais elle a changé sous plusieurs rapports ce que nous savions de Jacques II et du rôle que joua Louis XIV dans la catastrophe du prince anglais. On n'a pas rendu assez de justice à M. Mazure. On puise dans son travail des renseignements qu'on ne trouve que là et dont on cache ou l'on tait la source. Une femme qui n'a point de rivale nous a donné dans les considérations sur les principaux événements de la Révolution française une idée de ce qu'elle aurait pu faire si elle eût appliqué son esprit à l'histoire. Les considérations sont empreintes d'un vif sentiment de gloire et de liberté. Quand l'auteur, parlant de l'abaissement du tiers-état sous l'ancienne monarchie, le montre au moment de l'ouverture des états généraux et s'écrie avec Corneille « Nous nous levons alors », jamais citation ne fut plus éloquente. Mais Madame de Staël abhorre les tyrans, et tout oppresseur de la liberté si grand qu'il soit, ne trouve en elle aucune sympathie. Il faut lire dans les considérations ce qu'elle raconte de Mirabeau. Tribun par calcul, aristocrate par goût, qui en parlant de Coligny ajoutait, qui par parenthèse était mon cousin, tant il cherchait l'occasion de rappeler qu'il était bon gentilhomme. Après ma mort, disait-il encore, les factieux se partageront les lambeaux de la monarchie. Madame de Staël termine de la sorte ses intéressants récits de Mirabeau. Je me reproche d'exprimer ainsi des regrets pour un caractère peu digne d'estime, mais tant d'esprit est si rare, et il est malheureusement si probable qu'on ne verra rien de pareil dans le cours de sa vie, qu'on ne peut s'empêcher de soupirer lorsque la mort ferme ses portes d'airain sur un homme naguère si éloquent, si animé, enfin si fortement en possession de la vie. Ces réflexions s'appliquent à Madame de Staël elle-même en changeant les premiers mots, ce qui les rend encore plus douloureuses. On ne se reprochera jamais d'exprimer des regrets pour le caractère de cette femme illustre. Il n'y eut rien de plus digne que ce caractère. La noble indépendance de Madame de Staël lui valut l'exil et les persécutions qui ont avancé sa mort. Buonaparte apprit, et Buonaparte aurait dû le savoir, que le génie est le seul roi qu'on n'enchaîne pas à un char de triomphe. Je ne puis me refuser, comme dernière preuve du talent éminent de Madame de Staël, à transcrire ce paragraphe sur la catastrophe de Robespierre. On vit cet homme, qui avait signé pendant plus d'une année un nombre inouï d'arrêts de mort, couché tout sanglant sur la table même où il apposait son nom à ses sentences funestes. Sa mâchoire était brisée d'un coup de pistolet. Il ne pouvait pas même parler pour se défendre, lui qui avait tant parlé pour proscrire. On ne saurait trop déplorer la fin prématurée de Madame de Staël. Son talent croissait, son style s'épurait. À mesure que sa jeunesse pesait moins sur sa vie, sa pensée se dégageait de son enveloppe et prenait plus d'immortalité. Sous le titre modeste du Sacre des rois de France et des rapports de cette cérémonie avec la constitution de l'État aux différents âges de la monarchie, M. Clausel de Coussergues a écrit un volume qui restera. Les amateurs de la clarté et des faits bien classés sans prétention et sans verbiage y trouveront à se satisfaire. M. Fiévé a renfermé dans le cadre étroit de sa brochure intitulée « Des opinions et des intérêts » beaucoup d'idées neuves et d'aperçus ingénieux sur notre histoire. J'ai parlé ailleurs de l'histoire des croisades. Je me contenterai de dire ici que les traductions et les extraits des analystes des croisades, tant orientaux qu'occidentaux, ajoutés comme preuve aux nouvelles éditions, sont un recueil extrêmement recommandable. M. Michaud s'est placé dans son histoire. Il est allé dernier croisé à ce tombeau où je croyais avoir déposé pour toujours mon bâton de pèlerin. L'histoire de Pologne, avant et sous le roi Jean Sobieski, de M. de Salvandy, est un ouvrage grave, bien composé. Ce fut Sobieski, dit l'historien, dont le bras redoutable posa la borne que la domination des Osmanlis ne devait plus franchir. Ce fut devant ses victoires que cette dernière invasion des barbares, jusque-là toujours indomptable et menaçante, vint briser sa furie. Elle n'a fait depuis lors que retirer ses flots. Soldats et princes, tous ses jours s'écoulèrent dans le perpétuel sacrifice de ses penchants, de ses affections, de sa fortune, de sa vie, aux intérêts de la Pologne. Lui seul semblait champion infatigable, occupé à la défendre. Ses efforts pour lui conserver des lois et des frontières tiennent du prodige. Cette passion domina le cours entier de son existence. Il réussit à dompter les ennemis qui tenaient la République des Jagellons, pressée et envahie de toutes parts, plus facilement qu'à vaincre ceux qu'elle portait dans son sein. Ensuite, il expira, et ce puissant soutien abattu, la Pologne mit en quelque sorte aussi le pied dans la tombe. Elle ne devait plus, sous les successeurs de Jean III, qu'achever de mourir. Ce noble style se soutient pendant tout l'ouvrage. L'auteur a soin de remarquer l'influence que la France du XVIIe siècle exerçait sur les destinées de l'Europe. Comme si tous les grands hommes devaient alors venir de la cour du grand roi, Sobieski avait été mousquetaire de la maison militaire de Louis XIV. L'histoire de l'anarchie de Pologne par Hullier fait pour ainsi dire suite à l'histoire de M. de Salvandi. Il ne faut ajouter à ces deux monuments ni l'appendice de M. Ferrand, ni celui que M. Daunou a substitué au travail de M. Ferrand, mais il faut y joindre de curieuses et piquantes brochures de M. de Pratt. L'histoire des Français des divers États par M. Monteil suppose de grandes recherches. M. Monteil est, avec M. Capefigue, du petit nombre de ces jeunes savants qui n'écrivent aujourd'hui qu'après avoir lu. Ils eussent été de dignes disciples de l'école bénédictine. Mais M. Monteil a été égaré par le goût du siècle et par le funeste exemple qu'a donné l'abbé Barthélemy. La forme romanesque dans laquelle l'auteur de l'histoire des Français a enveloppé ses études leur porte dommage. On doit l'engager au nom de son propre savoir et de son véritable mérite à la faire disparaître dans les futures éditions de son ouvrage. Le succès qu'a obtenu l'histoire de la campagne de Russie est une preuve que l'on n'a pas besoin pour intéresser le lecteur de se placer dans un système. Des récits animés, un coloris brillant, des scènes mises sous les yeux dans tous leurs mouvements et dans toute leur vie, voilà qui est de toutes les écoles et ce qui fera vivre l'ouvrage de M. de Ségur. Les vies des capitaines français au Moyen-Âge, par M. Mazas, ne peuvent être passées sous silence. L'auteur n'a voulu raconter que l'exacte vérité. Il a visité le théâtre où brillèrent les guerriers, dont il peint les exploits. Il a cherché sur les bruyères de ma pauvre patrie les traces de Du Guesclin. Je me souviens avoir commencé mes premières études dans le collège obscur de l'obscure petite ville où reposait le cœur du bon connétable. J'étudiais un peu de latin, de grec et d'hébreu auprès de ce cœur qui n'avait jamais parlé que français. C'est une langue que le mien n'a pas oubliée. M. Mazas croit avoir retrouvé le point du passage d'Édouard III à Blanquetag sur la Somme. J'aurais désiré qu'il eût dit si le gué est encore praticable ou s'il se trouve perdu dans la mer vis-à-vis le Crotoy, comme on le pense généralement. J'oublie sans doute, et à mon grand déplaisir, beaucoup d'écrivains qui mériteraient que je rappelasse leurs ouvrages, mais les bornes d'une préface ne me permettent pas de m'étendre. Le public reproduira les noms qui échappent à ma mémoire et à la justice que je désirerais leur rendre. Le temps où nous vivons a dû nécessairement fournir de nombreux matériaux aux mémoires. Il n'y a personne qui ne soit devenu, au moins pendant 24 heures, un personnage et qui ne se croit obligé de rendre compte au monde de l'influence qu'il a exercée sur l'univers. Tous ceux qui ont sauté de la loge du portier dans l'antichambre, qui se sont glissés de l'antichambre dans le salon, qui ont rampé du salon dans le cabinet du ministre, tous ceux qui ont écouté aux portes, ont à dire comment ils ont reçu dans l'estomac l'outrage qui avait un autre but. Les admirations à la suite, les mendicités dorées, les vertueuses trahisons, les égalités portant plaque, ordre ou couleur de laquais, les libertés attachées au cordon de la sonnette, ont à faire resplendir leur loyauté, leur honneur, leur indépendance. Celui-ci se croit obligé de raconter comment, tout pénétré des dernières marques de la confiance de son maître, tout chaud de ses embrassements, il a juré obéissance à un autre maître. Il vous fera entendre qu'il n'a trahi que pour trahir mieux. Celui-là vous expliquera comment il approuvait tout haut ce qu'il détestait tout bas, ou comment il poussait aux ruines sous lesquelles il n'a pas eu le courage de se faire écraser. À ces mémoires tristement véritables viennent se joindre les mémoires plus tristement faux. Fabrique où la vie d'un homme est vendue à l'aune, où l'ouvrier, pour prix d'un dîner frugal, jette de la boue au visage de la renommée qu'on a livrée à sa fin. On se console pourtant en trouvant dans ce chaos de bassesse et d'ignominie quelques écrits consciencieux dont les auteurs s'attachent à reproduire sincèrement ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont éprouvé. Le travail de ces auteurs doit être considéré comme de précieux renseignements historiques. Messieurs de Las Casas et Gourgaud doivent être crus quand ils parlent du prisonnier de Sainte-Hélène. Non seulement M. Carrel a publié « L'histoire de la contre-révolution en Angleterre sous Charles II et Jacques II », histoire écrite avec cette mâle simplicité qui plaît avant tout, mais en rendant compte de divers ouvrages sur l'Espagne, il a donné lui-même une notice hors de pair. On y trouve une manière ferme, une allure décidée, quelque chose de franc et de courageux dans le style, des observations écrites à la lueur du feu du bivouac et des étoiles d'un ciel ennemi, entre le combat du soir et celui qui recommencera à la Diane. La narration d'un brave expérimenté, dit Gaspard de Tavannes, est différente des contes de celui qui n'a jamais eu les mains ensanglantées de ses fiers ennemis sur les plaines armées. On sent dans M. Carrel une opinion fixe, qui ne l'empêche pas de comprendre l'opinion qu'il n'a pas et d'être juste envers tous. Si le simple soldat sans instruction, sans moyen de fixer ses pensées, est intéressant dans les récits des assauts qu'il a livrés, des pays qu'il a battus, l'homme d'éducation et de mérite devenu soldat volontaire pour une cause dont il s'est passionné a bien d'autres moyens de faire passer ses sentiments dans les âmes auxquelles il s'adresse. Qu'on se figure un Français errant sur les montagnes d'Espagne, allant demander au pasteur, dont il croit défendre la liberté, une hospitalité guerrière. Dans cette intimité d'une vie d'aventures et de périls, il surprendra le secret des mœurs et mettra sous vos yeux une société qu'aucun autre historien ne vous aurait pu montrer. J'ai traversé l'Espagne, j'ai rencontré ces Arabes chrétiens auxquels la liberté politique est si indifférente parce qu'ils jouissent de l'indépendance individuelle et je n'ai trouvé le peuple que j'ai vu que dans le récit de M. Carrel. L'auteur trace rapidement le tableau de la guerre de Catalogne en 1823. Il représente le courage de Mina et la marche de cet habile chef dans les montagnes. Nous tous qui, dispersés par les orages de notre patrie, avons porté le havresac et le mousquet en défense de notre propre opinion pour des causes étrangères, nous éprouvons un attendrissement de soldats et de malheurs à la lecture de cette histoire si bien contée et qui semble être la nôtre. Les passions qui ont fait la guerre d'Espagne, dit M. Carrel, sont maintenant assez effacées pour qu'on puisse se promettre d'inspirer quelque intérêt en montrant, sous l'ancien uniforme français, des soldats de toutes les nations ralliés à l'ascendant d'un grand caractère, marchant où il les menait, souffrant et se battant sans espoir d'être loués ni de rien changer, quoi qu'ils fissent, à l'état désespéré de leur cause. N'ayant d'autre perspective qu'une fin misérable au milieu d'un pays soulevé contre eux, ou la mort des esplanades s'ils échappaient à celle du champ de bataille. Telle fut pendant de longs jours la situation de ceux qui, partis de Barcelone, peu de temps avant la capitulation de cette place, allèrent succomber avec Pacchiarotti devant Figueres après 48 heures d'un combat dont l'acharnement prouva que c'étaient des Français qui combattaient de part et d'autre. Ce combat devait finir par l'extermination du dernier de ceux qui, au milieu de l'Europe, de 1823, avaient osé mettre la flamme tricolore au bout de leur lance et rattacher à leur shako la cocarde de Fleurus et de Zurich. Ce n'est rien que la destinée de quelques hommes dans de tels événements. Mais combien d'autres événements il avait fallu pour que ces hommes de toutes les parties de l'Europe se rencontrassent? Anciens soldats du même capitaine, venus dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, défendre une cause qui se trouvait être la leur. Les choses, dans leurs continuelles et fatales transformations, n'entraînent point avec elles toutes les intelligences. Elles ne domptent point tous les caractères avec une égale facilité. Elles ne prennent pas même soin de tous les intérêts. C'est ce qu'il faut comprendre et pardonner quelque chose aux protestations qui s'élèvent en faveur du passé. Quand une époque est finie, le moule est brisé, et il suffit à la Providence qu'il ne se puisse refaire, mais des débris restés à terre, il en est quelquefois de beaux à contempler. J'ai souligné ces dernières lignes, l'homme qui a pu les écrire a de quoi sympathiser avec ceux qui ont foi en la Providence, qui respectent la religion du passé, et qui ont aussi les yeux attachés sur des débris. Au surplus, les temps où nous vivons sont si forts des temps historiques, qu'ils impriment leur sceau sur tous les genres de travail. On traduit les anciennes chroniques, on publie les vieux manuscrits, on doit à M. Guizot la collection des mémoires relatives à l'histoire de France depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au XIIIe siècle. Je ne sais si des traductions de nos annales latines, tout en favorisant l'histoire, ne nuiront pas à l'historien. Il est à craindre qu'en ouvrant le sanctuaire des faits aux ignorants et aux incapables, nous ne nous trouvions inondés de Tite-Live et de Thucydide, au gage de quelques libraires. Il n'en est pas ainsi de la mise en lumière des originaux. On ne saurait trop louer monsieur le marquis de Fortia de nous avoir donné le texte des Annales du Hainaut par Jacques de Guise. Il faut remercier monsieur Buchon de l'édition de son Froissart et de celle de ses autres chroniques. Monsieur Craplet, monsieur Pluquet, monsieur Méon, monsieur Barrière ont montré leur dévouement à la science. Le premier a publié l'histoire du châtelain de Coucy, le second le roman de Roux, le troisième le roman de Renard, le quatrième les mémoires de Loménie. Ces mémoires contiennent des anecdotes sur les derniers moments de Mazarin. Ils achèvent de faire connaître les personnages que monsieur le marquis de Saint-Aulaire a remis en scène avec tant de bonheur dans son Histoire de la Fronde. Tout prend aujourd'hui la forme de l'histoire, polémique, théâtre, roman, poésie. Si nous avons le Richelieu de monsieur Victor Hugo, nous saurons ce qu'un génie à part peut trouver dans une route inconnue aux Corneilles et aux Racines. L'Écosse voit renaître le Moyen-Âge dans les célèbres inventions de Walter Scott. Le Nouveau Monde, qui n'a d'autres antiquités que ses forêts, ses sauvages et sa liberté, vieille comme la terre, a trouvé dans monsieur Cooper le peintre de ses antiquités. Nous n'avons point failli en ce nouveau genre de littérature. Une foule d'hommes de talent nous ont donné des tableaux empreints des couleurs de l'histoire. Je ne puis rappeler tous ces tableaux, mais deux s'offrent en ce moment même à ma mémoire. L'un, de M. Mérimée, représente les mœurs de l'époque de la Saint-Barthélemy. L'autre, de M. Latouche, met sous nos yeux une des réactions sanglantes de la contre-révolution napolitaine. Ces vives peintures rendront de plus en plus difficile la tâche de l'historien. Au XIIIe siècle, la chevalerie historique produisit la chevalerie romanesque, qui marcha de pair avec elle. De notre temps, la véritable histoire aura son histoire fictive, qui la fera disparaître dans son éclat ou la suivra comme son ombre. Sous le simple titre de chansonnier, un homme est devenu un des plus grands poètes que la France ait produit. Avec un génie qui tient de La Fontaine et d'Horace, il a chanté lorsqu'il l'a voulu, comme Tacite écrivait. Vous avez vu tomber la gloire d'un Ilion trop insulté, qui prit l'autel de la victoire pour l'autel de la liberté. 20 nations ont poussé de Tersite jusqu'en nos murs le char injurieux. Ah, sans regret, mon âme, partez vite, en souriant, remontez dans les cieux. Cherchez au-dessus des orages tant de Français morts à propos, qui, se dérobant aux outrages, ont au ciel porté leur drapeau. Pour conjurer la foudre qu'on irrite, unissez-vous à travers ces demi-dieux. Ah, sans regret, mon âme, partez vite, etc. Un conquérant, dans sa fortune altière, se fit un jeu des sceptres et des lois, et de ses pieds on peut voir la poussière empreinte encore sur le bandeau des rois. Le poète n'est peut-être pas tout à fait aussi heureux quand il chante les rois sur leur trône, à moins que ce ne soit le roi d'Yvetot. En général, M. de Béranger a pour démon familier une de ces muses qui pleurent en riant et dont le malheur fait grandir les ailes. Les fondateurs de notre école moderne historique réclament à présent toute notre attention. J'ai déjà dit que M. de Barante avait créé l'école descriptive. J'ai rendu compte au public de l'histoire des ducs de Bourgogne. On trouvera mon opinion consignée dans le tome 6 des œuvres complètes, pages 566 et suivantes. Aujourd'hui, en parcourant sa carrière nouvelle, peu importe sans doute à M. de Barante des éloges littéraires. Qu'il me soit permis de regretter cette histoire du Parlement qu'il nous promettait. Peut-être la continuera-t-il si jamais il est enlevé aux affaires. Les lettres sont l'espérance pour entrer dans la vie, le repos pour en sortir. Messieurs Thiers et Mignet sont les chefs de l'école fataliste. Messieurs Thierry, Guizot et Sismondi, les grands réformateurs de notre histoire générale, je m'arrête d'abord à ces derniers. En joignant pour les faits l'histoire d'Adrien de Valois aux observations de messieurs Thierry, Guizot et Sismondi, il n'y a presque plus rien à dire touchant la première et la seconde race de nos rois. Les lettres de monsieur Thierry sur l'histoire de France, ouvrage excellent, rendent à un temps défiguré par notre ancienne école son véritable caractère. Monsieur Thierry, comme tous les hommes doués de conscience, d'un talent vrai et progressif, a corrigé ce qui lui a paru douteux dans les premières éditions de sa belle et savante « Histoire de la conquête de l'Angleterre » et dans ses lettres sur l'histoire de France. Quelques-unes de ses opinions se sont modifiées, l'expérience est venue reviser des jugements un peu absolus. On ne saurait trop déplorer l'excès de travail qui a privé M. Thierry de la vue. Espérons qu'il dictera longtemps à ses amis pour ses admirateurs, au nombre desquels je demande la première place, les pages de nos annales. L'histoire aura son Homère comme la poésie. Je retrouverai encore l'occasion de parler de M. Thierry dans cette préface, de même que j'ai été heureux de le citer et de m'appuyer sur son autorité dans ses études historiques. Le cours d'histoire de M. Guizot, en ce qui concerne la seconde race, est d'un haut mérite. On peut ne pas convenir avec le docteur professeur de quelques détails, mais il a aperçu, avec une raison éclairée, les causes générales de la décomposition et de la recomposition de l'ordre social au 8e et 9e siècle. Il a aussi de curieuses leçons sur la littérature civile et religieuse et une foule de choses justes, bien observées et écrites avec impartialité. M. Guizot est remplacé dans sa chaire par un des jeunes écrivains de notre époque qui s'annonce avec le plus d'éclat à la France, M. Saint-Marc Girardin, tant cette France est inépuisable en talent. M. Sismondi, connu par son histoire des républiques italiennes, est un étranger de mérite qui s'est consacré avec un dévouement honorable pour nous à notre histoire. Trop préoccupé peut-être des idées modernes, il a trop jugé le passé d'après le présent. Un peu d'humeur philosophique, bien naturelle sans doute, lui a fait traiter sévèrement quelques hommes et quelques règnes. Mais il a vu, un des premiers, le parti que les peuples pouvaient tirer même de leurs crimes. Les élucubrations de ce savant analyste doivent être lues avec précaution, mais étudiées avec fruit. D'accord avec les écrivains que je viens de nommer sur presque tous les faits qu'ils ont redressés dans nos historiens de l'ancienne école, tels que la ressemblance que ces historiens établissaient entre les Francs et les Français, le prétendu affranchissement des communes par Louis le Gros, etc., il y a pourtant quelques points où je suis forcé de différer de ces maîtres. L'inexorable histoire repousse les systèmes les plus ingénieux lorsqu'ils ne sont pas appuyés sur des documents authentiques. On parle, comme de la plus grande découverte de l'école moderne, d'une seconde invasion des Francs, c'est-à-dire d'une invasion des Francs d'Austrasie dans le royaume des Francs de Neustrie, invasion qui serait devenue la cause de l'élévation de la seconde race. Pour avancer une pareille nouveauté, il faut, ce me semble, autre chose que des conjectures. Produit-on des passages inédits, des chartes, des diplômes inconnus jusqu'ici ? Non. Rien de positif n'est cité au soutien d'une assertion dont les preuves changeraient les trois premiers siècles de notre histoire. On est réduit à chercher sur quelle apparence de vérité est appuyé un fait dont toutes les chroniques devraient retentir. Quoi ? Une seconde invasion des Francs aurait été tout à coup découverte au XIXe siècle, sans que personne en eût entendu parler auparavant, ni les bénédictins, ni les savants de l'Académie des inscriptions, ni des hommes comme Dutillet, Duchesne, Baluse, Bignon, Adrien de Valois, ni tous les historiens de France, quelle qu'ait été la diversité de leurs opinions et de leurs doctrines, ni des critiques tels que Scaliger, Duplessis, Bullet, Bayle, Secousse, Gibert, Fréret, Leboeuf, ni les publicistes tels que Baudin, Mably, Montesquieu, n'auraient rien vu. Cela seul me ferait douter, moi qui ne puis avoir aucune assurance en mes lumières. Il y a cependant 30 ans que je lis, la plume à la main, les documents de notre histoire, et je n'ai aperçu aucune trace de l'événement qui aurait produit une si grande révolution. Toujours prêt à reconnaître la supériorité des autres et ma propre faiblesse, cédant peut-être trop vite aux conseils et aux critiques, je me suis débattu contre moi-même afin de me convaincre d'une chose que les faits me déniaient. Pépin de Héristal, duc d'Austrasie, conduisant l'armée austrasienne, défait Thierry III, roi de Neustrie, et s'empare de toute l'autorité sous le nom de maire du palais vers l'an 690. Est-ce cela qu'on aurait qualifié de seconde invasion des Francs ? Mais depuis l'établissement des Francs dans les Gaules, depuis Clovig jusqu'à Pépin, chef de la seconde race, les royaumes des Francs avaient été sans cesse en hostilité les uns contre les autres. Effet inévitable du partage de la succession royale qui se reproduisit sous les descendants de Charlemagne. Ainsi s'étaient formés et avaient disparu tour à tour les royaumes de Metz, de Soissons, d'Orléans, de Paris, de Bourgogne, d'Aquitaine. J'ai bien peur qu'on ait pris pour une nouvelle invasion des Francs, une guerre civile de plus entre les tribus franques. Il ne me paraît pas démontré davantage que les Francs d'Austrasie fussent plus nombreux et eussent mieux conservé leur caractère salique que les Francs neustriens. Les Francs de la Neustrie ne s'étendaient guère outre-Loire. Le pays au-delà de ce fleuve reconnaissait à peine leur autorité. Ils étaient obligés d'y porter leurs armes. M. Thierry lui-même cite un exemple des ravages passagers qu'ils y commettaient. Qu'avaient pour le courage et les mœurs des Francs les cités gallo-romaines situées entre la Somme, la Seine et la Loire, de plus amollissant que celles qui couvraient les rives de la Meuse, de la Moselle et du Rhin? Paris était un misérable village, tandis que Cologne, Trèves, Mayence, Spire, Strasbourg, Worms étaient des cités fameuses par leurs monuments dont leurs anciens maîtres les avaient ornés. D'après M. Guizot, les Francs devinrent propriétaires plus promptement dans l'Austrasie que dans la Neustrie. C'est là que l'on trouve, selon lui, les plus considérables de ces habitations qui devinrent des châteaux. La remarque est juste, mais ces châteaux n'étaient pas l'ouvrage des Francs. Les derniers empereurs avaient permis aux sujets et aux citoyens romains de fortifier leurs demeures particulières. Les habitations fortifiées de l'Austrasie n'étaient que des propriétés anciennement données aux vétérans légionnaires chargés de la défense des rives du Rhin, de la Meuse et de la Moselle, d'où leur était venu le nom de ripuaires. Les Francs neustriens n'étaient ni plus énervés ni moins braves que leurs compatriotes. On n'apercevait en histoire aucune différence entre un Franc de Soissons, de Paris et d'Orléans, et un Franc de Metz, de Mayence et de Cologne. Ce furent des Francs neustriens comme des Francs austrasiens qui vainquirent les Arabes à Tours et les Saxons en Germanie, sous les Pépins et sous Charles le Martel. Les rois ou chefs de la Neustrie parlaient le langage germanique, comme les rois ou chefs de l'Austrasie. Leur peuple seul différait de langage. Remarquez enfin que Charles, duc de la Basse-Lorraine, oncle de Louis V, ayant fait hommage à l'empereur Othon de son duché, fut déclaré indigne de régner sur les Francs. Et Charles était de la race de Charlemagne. Ce seraient donc les Francs austrasiens qui auraient renié la race qu'ils avaient élevée sur le pavois. Ils auraient choisi un roi parmi les Francs neustriens vaincus pour le mettre à la place d'un chef sorti des Francs austrasiens vainqueurs. Tels sont mes doutes. Ils expliqueront pourquoi, en admettant relativement aux deux premières races la plupart des opinions de l'école moderne, j'ai rejeté la seconde invasion des Francs. Je suis persuadé que les hommes habiles, dont je ne partage pas sur ce point le sentiment, examineront eux-mêmes de plus près un fait d'une nature si grave. Peut-être, à leur tour, me reprocheront-ils mes hardiesses quand ils me verront hésiter sur la signification que l'on donne au mot « franc ». Ne me tenir pas bien assuré qu'il y ait eu jamais une ligue de peuples germaniques connus sous le nom de Francs à cause même de leur confédération.